Merci pour tout ça. Julie est arrivée. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé, on va dire, déjà de la première partie, vous vous rappelez ou pas? Bah, on n'a pas, vous n'avez pas retrouvé l'écoute que vous aviez hier soir. Non, ouais. Ça, c'est sûr. À des moments, un petit peu. Et du coup, passer du temps sur l'analyse de ce qui s'est passé, je pense que ce serait un petit peu... Ça ne servirait pas à grand-chose, parce que c'était, on va dire, un peu le bazar. Mais il y a eu des choses intéressantes. Je vais essayer de vous les pointer et puis voir comment on peut en faire quelque chose après. Sachant qu'on va faire un plus petit groupe, hein. Parce qu'il y a ça aussi qui joue là. Hein. Moi j'ai l'impression que souvent vous n'êtes pas, pas tous à égalité, hein, mais souvent vous n'êtes pas conscient du résultat de ce que vous faites dans le mix final. Et le mix final, encore une fois, c'est là. C'est pas vous. En tout cas, c'est jamais vous. On peut dire, pas forcément là tout le temps, mais c'est jamais, faut vous dire que c'est jamais vous. Et parfois, j'ai l'impression que c'est quand même vous. Surtout les sax. Vous êtes souvent trop fort, quoi. Même quand ça joue fort, vous êtes plus fort que les électroniques, hein. Donc, c'est dommage parce que parfois, ça veut pas dire que les idées sont pas bonnes ou tout ça, mais c'est une question de dynamique. Vous plongez dans votre son et puis je sais que c'est compliqué, mais c'est... En fait, le sax, c'est un peu comme la voix, ce que je disais sur la voix hier. Il est d'ailleurs à peu près à la même tessiture, surtout l'alto, et ben on le repère tout de suite. On n'a pas besoin de chercher. Donc, si on veut être dans la masse, alors peut-être que vous ne voulez pas être dans la masse, mais à ce moment-là, si vous n'êtes pas dans la masse, je trouve que souvent, c'est pas une bonne idée, alors. Mais si vous vouliez être dans la masse, et ce que j'ai l'impression que vous voulez, vous êtes trop fort. Enfin, dans la masse, dans le son ensemble. En plus, il y a du geste, ce qu'il n'y a pas forcément dans les autres instruments. On entend le geste, ce qu'on a dit hier, donc le geste de la respiration, et le geste aussi des mains et tout ça. Donc, dans le son, le geste, il est vachement important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de... Quand on écoute un son instrumental, d'avoir une vision, même si elle est fausse, une vision du corps qui est en train de le produire. Et ça joue un rôle, c'est un personnage dans le son final. Et ce personnage, comment on veut qu'il n'existe pas, je pense que c'est très important. Y compris pour les électroniques, parce que vous, c'est l'inverse. Vous, ce serait plutôt l'inverse, c'est comment je peux faire exister, tout d'un coup, l'image d'un geste avec mon truc où il n'y en a pas. Et c'est possible. Bah, par exemple, c'est pour ça que tu rajoutes peut-être le micro, ou tout d'un coup, il y a le corps qui revient dans le... Parce que souvent, le geste dans l'électronique, il n'est pas très intéressant, parce qu'on entend un potard qui tourne, un truc comme ça, c'est pas terrible. C'est vrai, c'est pas passionnant. Donc voilà, les problèmes ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc voilà, premier truc. Alors l'exemple typique, c'est quand... Ça a pris, là, les grelots. Au début, j'étais un peu sceptique, puis en fait, ça s'est bien... Enfin, c'était super. Mais l'équilibre de l'orchestre n'était pas bon par rapport à ce qui se passait. C'était trop brouillon et trop fort, je pense. Hein. Ça aurait pu être vraiment un chouette moment orchestral avec ces papillonnements de vent... Du coup, tu as écouté parce que tu n'as pas joué. Ouais. Tu peux en dire quelque chose, je sais pas si tu as. De ce moment-là. Ouais. Par exemple, ouais. L'orchestre était trop fort à ce moment-là. Trop fort et trop bordélique, je dirais. Oui. Sans intention. À mon avis, ça méritait un moment plus unitaire. Parce que du bordel, on en a eu avant, c'est bon. Il peut y avoir un moment où on se met d'accord sur un truc. Et c'est pas compliqué puisque elle vous aidait finalement, elle vous donnait un, une sorte de trame, d'idée. Le, quand ça, les gros lots. Les gros lots. Alors, allez, trois autres choses avant qu'on passe à la suite. Trois autres choses, à mon avis importantes, surtout parce que on va, c'est les mêmes personnes qui vont improviser cet après-midi. La voix. Alors, les mots. Vous l'avez bien, vous l'avez, c'était pas mal, hein, c'était pas mal, mais vous êtes trop respectueux d'une certaine façon. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, ça veut pas dire qu'il faut pas être respectueux, mais comment faire pour que la voix soit pas systématiquement le soliste? J'ai pas de solution, mais c'est un vrai problème et qui est vraiment intéressant. Après, c'est aussi à Anna de faire gaffe. Donc, c'est à toi de voir à quel volume tu vas parler, tu vois. Il y a plein de choses à faire, c'est à expérimenter et en plus petit comité ça va être plus facile, je pense. Ouais. Mais là c'était un peu toujours la parole, mais en même temps elle arrivait un peu toujours au bon moment, donc ça relançait bien le truc. Donc ça c'était plutôt pas mal, mais après on se dit quand même elle est toujours. Un peu ce que je disais du sax tout à l'heure, sauf que là, il y a une sorte de respect des autres. Alors du coup, il y a une tension et une écoute qui manque d'habitude, et là, elle y est. Parce qu'il y a des mots. Et... ça, c'est le premier truc. En même temps, moi, personnellement, ça c'est plus mon goût là, que je vais exprimer, c'est j'aime bien quand il y a du texte, tant qu'à faire, qu'on le comprenne. Donc, c'est compliqué. Parce que s'il y a du texte et qu'on ne le comprend pas, finalement, bon, bah, au bout d'un moment, on s'épuise. C'est même chiant. Donc, comment faire pour qu'il y ait du texte compréhensible et en même temps qu'il soit pas soliste et tout ça? Peut-être aussi, c'est des questions du reste. Quand tu commences, tu dis un texte, à un moment, tu l'as fait un peu, mais tu es revenu. Et je trouve que tu n'as pas dû revenir. Tu as dit le texte, le premier. Et c'était vous deux, je sais pas, tous les deux, elle vous a laissé seul. Et bien à ce moment-là, c'était chouette parce que ce truc était supposé être un accompagnement, tout d'un coup devenait la musique. Mais t'es revenu, donc ça l'a remis, tu vois. Et là, c'était intéressant parce qu'il se retrouvait responsable du coup de ce qu'il faisait, alors qu'avant, c'était plus au service des mots et du sens. Ça, c'est un truc. Deuxième truc, je l'ai déjà dit hier, mais je le redis. Quand vous commencez quelque chose, toi, t'es une bonne cliente, souvent c'est bien ce que tu fais et il faut toujours que tu le. Je sais pas comment dire, mais t'as une sorte de violence intérieure qui est. C'est parfait, mais il faut toujours que tu casses ton jouet, quoi. Mm-hmm. Tu vois? Tu fais un truc bien et on sait que ça va monter en puissance et que ça va mal se terminer. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Et ben non, le truc bien il peut durer ou s'arrêter, il a pas besoin de mourir, tu vois, il peut s'arrêter parce qu'il s'arrête, c'est tout, ça n'a pas besoin d'être organique, organiquement logique, tu vois, ni dans l'épuisement physique, ni dans l'épuisement acoustique, ni dans le, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais c'est à chaque fois, tu vois, chaque fois, en gros, crescendo, accélération, bordel et fin. Tu vois ce que je veux dire? C'est une tendance qu'on a tous. Tu vois? Il faut. Par exemple, quand tu fais tes petits trucs. Voilà. Voilà. Il faut vraiment se dire que c'est possible de zapper dans sa tête. On a fait un chouette truc. Il n'a aucune raison d'évoluer, même. Tu vois? Et il y a autre chose qui s'est passé. Il y a eu un moment où il y avait presque un solo de sax, longtemps. Ouais. Et tous les autres instruments étaient très bas. Ouais. Et du coup, j'ai pris comme une décision de changement que du coup, elle n'était pas ce dont on avait parlé hier, qui était faire en sorte que la pâte prenne. Ouais. Et j'ai fait ce truc de détruire un truc pour commencer une autre. Et la décision, ça peut se faire, pourquoi pas, mais après, t'as senti. La décision des éléments et tout n'était pas bonne. Ah, enfin, d'accord. Enfin, j'ai eu l'impression que ce n'était pas. C'était terriblement interrompu. Et à ce moment-là. Bah. En fait, c'était. Voilà, c'était un petit peu trop bordélique par rapport à ce qui aurait pu arriver, à mon avis, à ce moment-là. Bon. C'était comme un peu la violence gratuite. Pas exactement ça. Et alors, le dernier truc, du coup, j'ai oublié. Ah oui, ça c'était le quatrième, mais c'est technique. Il y a un petit larcène aigu qui revient de temps en temps. Je sais pas. C'est toi ? Ouais, mais c'est vous. Non, non, pas celui-là. Bon. Je sais pas. C'est ça qui est fait exprès, ce larcène. Non, il y a celui-là, mais il y a un autre truc qui est plus. En fait, je crois qu'il est un peu plus grave. Et des fois, on l'entend naître et puis. Aussi, moi, c'est toi ? Non, mais j'ai entendu. Ouais, bon. Faire gaffe, hein, quand même. Oui. Bon, voilà. Et du coup, j'ai oublié le café. Mais ça ressemblait très. Bah c'est celui qui a eu lieu tout à l'heure, pas le premier, le deuxième. Bon, je vous redirai. Bon. C'est quand j'ai oublié le. C'était pas sur la forme, hein, l'action du geste qui crache à l'eau, qui se pète. Non, bah ça on l'a dit. On l'a dit. Ah si les facteurs de. J'ai marqué ça comme ça. Facteurs de concentration ou facteurs de déconcentration. Je pense que c'est lié à l'écoute aussi. Et au rôle que vous avez, que vous pensez avoir dans l'ensemble. Et je pense que parfois, vous êtes un peu à côté de ce que vous croyez. Ou je sais pas. C'est-à-dire que je pense que parfois certains prennent des décisions. Ils sont supposés concentrer la musique et qui la déconcentrent. Ça peut être spatial, ça peut être plein de choses. Par exemple, j'ai pensé ça des grelots. On peut se gourer aussi à l'écoute. Hein. Les grelots, au début, ils ont eu un facteur de déconcentration pour moi. Parce que le geste, parce que. Et puis, petit à petit, parce que vous l'avez fait longtemps et parce que vous l'avez fait sonner, ça aurait pu devenir un facteur de concentration beaucoup plus fort que ce que ça a été. Et là, je pense qu'il y a eu un manque d'écoute de l'orchestre. Voilà. Donc, il y a un truc comme ça de centrifuge, centripète, qui est très subjectif, mais qui est réel. Donc, il faut essayer de. Et la dynamique a un rôle. Je pense que souvent, par exemple, les électroniques, vous en sortez pas mal, parce que c'est pas facile. Mais quand vous avez une intention d'être fort, je trouve que souvent, vous êtes un chouïa trop fort. Ou alors, à ce moment-là, il faudra carrément être plus fort. Pour dire, je fais un truc qui n'a rien à voir avec la choucroute. Là, on ne sait pas trop, souvent. Vous n'avez pas besoin d'être aussi fort que ça pour être dessus. Et du coup, souvent, les instruments, enfin la harpe, c'est compliqué hein, pour placer le son. On n'a pas beaucoup entendu la place. Bah, là, il n'y avait pas beaucoup de place. Le volume est quand même. Du coup, on perd en richesse dynamique parce qu'on perd aussi dans les fortés. Hein. C'était pas vraiment une décision, mais. T'as pas trouvé le comment. Dis-nous un peu comment t'as écouté tout ça. Quoi. Et puis après, on passe à la suite. Moi, j'ai l'impression d'un truc extrêmement spatial ou. Un peu comme une installation. J'ai vraiment eu cette impression-là. Que je voulais juste tout oublier de temps en temps. Et même les moments bordéliques, je les ai beaucoup aimés tous. Il y avait un côté un peu autiste à faire ça, mais c'est. J'aime beaucoup. Voilà. Bravo. Moi, je trouvais ça juste parfois. faire du bien. Ah bah c'est sûr que c'est une bonne base. Si la base c'est le bordel, en fait on perd beaucoup plus de temps. C'est possible aussi parce que dans le bordel il y a tout. Et après il faut trier là-dedans. Mais c'est souvent compliqué parce que le corps il aime bien s'agiter, tout ça. Et du coup on met du temps à s'en sortir. Après, ce qu'il a dit, c'est vachement intéressant, c'est quand on commence à avoir une logique d'installation. C'est-à-dire que, moi, c'est vrai que là, j'ai une analyse plus, je pense, pièce de musique. Si je le pense installation, c'est vrai que c'est plus... L'écoute n'est pas la même, mais à ce moment-là, si je vais dans son sens, je trouve que vous auriez dû être plus autiste, chacun, et avoir un... maintenir des rôles plus clairs, même s'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, comme un mixage... dans une galerie où on entend une vidéo dans une pièce, une radio allumée dans une autre, voilà. Et puis c'est le mixage, il a lieu dans notre tête. Là, c'était pas assez, les points n'étaient pas assez forts, je pense, pour que ça fasse vraiment ça. Mais c'est vrai qu'il y avait, on pouvait l'écouter quand même comme ça. Il y avait cette tendance là. Mais là, peut-être les gestes musicaux n'étaient pas assez conscients et. Voilà. Et ce que tu dis, du coup, il y avait un suivisme, quoi, un suivisme, mais du coup, tant qu'à faire, moi j'ai souvent envie de dire ce qu'on a dit hier aussi une fois, c'est que tant qu'à se suivre, autant se suivre vraiment. Pourquoi pas? Et à ce moment, on fait tous la même chose. Et souvent, ça manque en fait. Et souvent, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas lieu. Voilà. Surtout à... En fait, plus on est nombreux, plus les idées doivent être simples et logiques. Et donc, quand on est nombreux, ça ferait du bien que tout d'un coup, 9 personnes qui fassent la même chose, plutôt que 9 choses différentes à écouter, c'est compliqué. Bon, voilà. Donc, prochaine étape, on s'est dit que cet après-midi on allait faire des petits groupes. Donc, est-ce qu'il y a des désirs de trio, entre ce qui s'est passé hier ou. Je sais pas. Moi j'aimerais bien harpe électronique avec moi, s'ils veulent bien. Est-ce que vous voulez bien? Allez, alors, Sigolène, Coralie et Florian. Donc pensez à l'espace, hein. Comme il t'a dit, j'ai senti ça aussi, il n'a pas joué parce que s'il était un peu sur la touche.